Si le mauvais sort frappe à la porte, j'ouvre la fenêtre et je m'en sors. Ah si le mauvais sort frappe à la porte, j'ouvre la fenêtre et je m'en sors. Dis-moi ce qu'ils vont faire, j'ai vu leur équipe. Nous contre eux, c'est comme s'ils se battaient contre la génétique. Hey, dis-moi ce qu'ils vont faire à part appeler les flics. Hey, aller sur YouTube et commenter négatif. Hey, ils osent m'appeler mon frère. Ils veulent me faire, j'suis déjà fait. Havana, citron vert, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'prépare la guerre comme si j'étais en paix. Hey, j'fais bien plus qu'avant-hier, tellement moins qu'après demain. Le rap dans ma glace hier, je grignote sur le chemin. J'crois en moi, j'suis pas devin. Touche-toi, j'ai que demain. J'fais 100K sur une seule date, on me dit merci, je dis de rien. J'suis serein quand j'suis tout seul, leur somme me déboussole. Je sais que j'suis pas tout seul, fait que j'suis serein quand j'suis tout seul. J'suis serein quand j'suis tout seul, leur somme me déboussole. Je sais que j'suis pas tout seul, fait que j'suis serein quand j'suis tout seul. Ah si mauvais sort, frappe pas la porte, j'ouvre la fenêtre et je m'en sors. Ah si le mauvais sort frappe à la porte, j'ouvre la fenêtre et je m'en sors. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire. Mais pas la rage, fais un truc. J'fais l'orage sur l'instru. L'orage, j'te laisse en vue. L'orage, j'te laisse en vue. Ce monde est cruel et plus. Les armes ne s'arment pas que chez les Russes. Apprends à capter les ruses, pas juste cabrer du cul. J'rentre dans le club en mauvais survêt. J'suis trop pour de vrai, de vrai. Les vampires autour attendent mon sang comme si j'étais le blanc de blanc. J'fais 1,80, prends pas pour un petit, c'est juste que j'suis loin devant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Me briser le cœur, c'est bon, y'a rien dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'entends pas vraiment les notes. Et sans batterie, j'perds le rythme. Quand la scène est un peu haute, j'peux plus bouger, j'ai le vertige. De l'emploi, j'ai pas la tête. Et je m'habille comme un tech. J'aurais dû dire nique sa mère. Alors j'ai dit nique sa mère. Toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'me le demande plein de modestie. Que je meurs ou prenne du fer. Auront mon corps, pas mon esprit. J'resterai libre comme l'air. Et comme le trafic de cesse, j'compte toute la discipline. J'vais avoir mes clips sur le site de fesses. Si le mauvais sort, frappe à la porte. J'ouvre la fenêtre et je m'en sort. Ah si le mauvais sort frappe à la porte, j'ouvre la fenêtre et je m'en sors. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien faire.